Bonjour, vous écoutez toujours Futur Simple au CKRL 89.1. Le Québec connaît malheureusement un bon nombre d'inondations sur son territoire par année. Et à l'échelle mondiale, avec le dérèglement climatique, c'est un phénomène qui est en recrudescence et probablement en augmentation, autant en nombre qu'en en intensité. Donc, pour soutenir les opérations en période de gestion de crise, certains chercheurs tentent d'utiliser l'imagerie radar satellitaire pour détecter les inondations. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés Marion Tanguy, étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS à Québec. Donc, Marion étudie au laboratoire de télédétection appliquée à l'hydrologie, dirigé par le professeur Monique Bernier. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, on va commencer par faire une petite ronde de définition pour voir exactement de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on entend exactement par inondation? Parce que j'imagine qu'il y a des degrés dans tout ça. Une inondation, c'est la submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. C'est okay. Vraiment très académique, mais c'est ça. Au niveau des inondations, après, il y a différentes sources. Ça peut être donc dû à des précipitations très importantes, donc sur une faible durée, donc là, qui vont faire vraiment gonfler le débit d'un cours d'eau. Ça peut être aussi des précipitations de moins d'intensité, mais qui vont s'étaler là sur la durée, qui vont saturer les sols. Les sols sont gonflés d'eau, ils sont plus perméables, en fait, ils deviennent imperméables, et là, on a un ruissellement très important. Donc là aussi, le débit des cours d'eau va augmenter. On a aussi des ruptures de barrages, très peu fréquents, mais vraiment très intenses. On a des embâcs de glace de rivière, on a des inondations qui sont dues aussi à la fonte des neiges au printemps, enfin plein de sources différentes. OK. Donc, ces inondations-là sont vraiment considérées comme des risques naturels, mais c'est aussi des phénomènes qui sont naturels, dans le sens que ça dépend comment qu'on fait la gestion de ces événements-là, j'imagine. Ben, c'est des risques naturels, donc il faut vraiment prendre en considération, dont il faut avoir connaissance, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un risque naturel qui est vraiment augmenté par l'homme, par les installations de l'homme, donc par exemple au bord des cours d'eau, okay. ou sur les cours d'eau comme les ponts, les digues, etc. Mais c'est aussi le développement humain qui augmente cet aléa. Donc on a la déforestation, la suppression des zones tampons. Donc là, ça veut dire que la crue ne va pas se diriger vers des zones dans lesquelles elle devrait se diriger naturellement. Ça, c'est des zones qui deviennent, par exemple, urbanisées. On a aussi des surfaces comme des parkings ou même des bâtiments qui vont rendre imperméable le sol, donc un ruissellement qui va être beaucoup plus important. Tout ça, ça fait que on a une inondation qui devrait être moins importante, et qui, à cause de ces installations humaines, va devenir vraiment beaucoup plus importante. Exagéré, non? Vraiment. Et pourquoi s'intéresser à l'inondation en tant que risque naturel plutôt que les tremblements de terre, les pluies d'astéroïdes et autres choses? Les pluies d'astéroïdes. Très fréquents, les pluies d'astéroïdes. En fait, les inondations, si on regarde les chiffres vraiment au niveau des États, enfin, de l'Amérique du Nord, et de l'Asie aussi, c'est pas le risque naturel le plus important. Au niveau de l'Amérique du Nord, ça va être les tempêtes. Donc on se souvient de Sandy l'an dernier. Les ouragans, etc. Les ouragans. Au niveau de l'Asie, ça va être plus les tremblements de terre et les tsunamis qui peuvent être liés. Mais dans le reste du monde, c'est vraiment le premier risque naturel. Et puis aussi, en termes de personnes exposées et en termes d'occurrence, c'est vraiment les inondations qui sont le risque naturel le plus important. OK. Et là, j'imagine que dans le fond, vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire avec la télédétection? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire avec ces techniques-là au niveau des satellites pour améliorer la situation? C'est ça. Donc, c'est quoi exactement, en fait, la télédétection satellitaire? C'est un terme qui n'est pas très, très connu. Bon, je vais essayer de faire une définition qui n'est pas trop académique et assez simple. En fait, c'est la technique qui va permettre d'obtenir des informations sur la surface de la Terre, mais sans contact direct avec la Terre. OK. Donc la télédétection, c'est pas uniquement prendre une image de la Terre, c'est vraiment tout un processus. On va capter et enregistrer le rayonnement électromagnétique qui est soit émis par la Terre, soit réfléchi par les surfaces terrestres. On va l'enregistrer, avec ça on va former une image qu'on va pouvoir étudier par la suite pour différentes implications, comme par exemple ici l'étude des inondations. OK. Et tous les capteurs satellitaires, est-ce qu'ils ont la même capacité ou ils sont utilisables? Est-ce qu'ils sont tous utilisables au niveau de la gestion de crise? Parce que j'imagine qu'on veut avoir des images précises à un moment précis, surtout quand il y a une crise dans un temps très précis. On veut pas avoir les images demain matin, on veut les images aujourd'hui. Ça, c'est un vrai problème. Okay. Tous les capteurs de télédétection sont pas utilisables pour ce genre d'application. On a deux familles de capteurs, en fait. La première famille, c'est les capteurs optiques. Donc là, on a des capteurs, par exemple WorldView, GeoEye, des capteurs assez récents qui sont vraiment très très performants, qui ont un temps de revisite sur la zone qui est de plus en plus intéressant, ce qui est de plus en plus élevé. Donc ça va être au 1 ou 2 jours. Donc là, on peut avoir une image qui est quand même assez rapide. Là, ici, on parle vraiment de photos. C'est pas des photos, c'est un terme qui est un peu différent. C'est vraiment des images satellites. Mais pour vous donner une idée un peu du rendu, bah, c'est comme les photos qu'on a sur Google Maps ou Google Earth. C'est vraiment ça. Okay. C'est un peu, ça a le même aspect qu'une vraie photo, mais ce n'est pas une photo. C'est une image qui est composée de différentes bandes, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ces capteurs-là, ils sont intéressants. Parce que ça donne de très belles images, parce qu'on a une résolution spatiale qui est très intéressante. Mais le problème, c'est que quand il y a des nuages, eh ben on voit rien. On voit pas la surface du sol. Et le problème, avec les inondations, c'est qu'il y a des nuages, il y en a, et puis pas qu'un peu en plus. Et le problème aussi de ces satellites, on dit que ce sont des capteurs passifs, parce qu'ils utilisent le rayonnement électromagnétique émis par le soleil, ce qui fait que s'il fait nuit, eh ben on n'a pas d'image. Ah, donc il y a quand même des gros problèmes. Ça, je pensais que ça allait être un peu plus facile que ça, mais c'est quoi, dans le fond, le but, plutôt l'outil final que vous avez en tête au niveau de ce projet-là pour avoir un outil vraiment efficace au niveau de la prévention, détection des inondations? Là, j'ai parlé des capteurs passifs, mais aussi des capteurs actifs. Et ça, c'est vraiment des outils intéressants. Donc ces capteurs satellitaires sont intéressants parce qu'ils permettent d'acquérir des images malgré la présence de nuages. Ils utilisent une longueur d'onde qui est particulière et qui permet vraiment de traverser les nuages et d'avoir une information au sol. Comme ils produisent eux-mêmes leur propre source d'énergie, ils ne sont pas dépendants du soleil. Donc là, on va avoir des images de jour comme de nuit, avec une résolution spatiale qui est de plus en plus fine, une résolution temporelle, donc un temps de revisite sur la zone qui est aussi de plus en plus élevé. Puis on a des satellites comme le satellite canadien Radarsat 2, qui va pouvoir vraiment, quand on est en gestion de crise, quand il y a une inondation, que c'est là et que les gens ont les pieds dans l'eau, qui va permettre d'orienter le faisceau du satellite et d'aller acquérir une image de la zone qui est vraiment en crise, quoi. Okay. Donc ça, c'est le défi maintenant avec cet outil-là, c'est que ce sont des images qui ne sont pas très faciles à traiter. C'est okay. Pas une belle image comme celle qu'on voit sur Google Earth. Moi, les premières fois que j'ai vu une image satellite, ça m'a fait penser à une télé qui était en panne. C'est comme beaucoup, beaucoup de bruit. Une image en noir et blanc, beaucoup, très bruitée en fait. Et en fait, on se rend compte à l'usage un peu que ce sont des données qui sont quand même qui sont particulières et qui sont assez difficiles à traiter. Quand il s'agit juste d'une rivière ou d'un champ inondé, ça, c'est pas un problème, ça se voit assez bien sur une image. Mais dès qu'on passe dans de la végétation inondée ou en zone urbaine inondée, là, ça se complique. Okay. Et c'est tout le défi, en fait, de cette étude ou du projet que je suis en train de mener. C'est, on a un outil qui est très performant, qui est très intéressant. Maintenant, il faut juste développer la méthode qui va permettre d'extraire l'information qu'on va avoir. Et comme c'est de l'information qu'on va avoir en gestion de crise, ça veut dire qu'on doit avoir une méthode avec un traitement qui est très très rapide, en fait, le plus rapide possible. Ça doit se faire en l'espace vraiment de quelques heures pour pouvoir aller aider le plus vite possible les gens ou protéger certaines infrastructures. Et c'est aussi une méthode qui doit être automatisée pour pas qu'il y ait quelqu'un qui doive aller jouer avec les petits boutons derrière pour obtenir le résultat le plus précis possible. Pour avoir toujours, dans le fond, un système en alerte. Pas attendre après un employé ou quelque chose genre, avoir un système automatique. Il y aura toujours besoin d'un employé pour faire tourner l'algorithme, pour préparer un petit peu les images, mais le but, c'est vraiment que le traitement soit très rapide et qu'on puisse fournir au service de la sécurité civile et au ministère de la sécurité publique une image qui va pouvoir leur servir vraiment de support pour la gestion de crise, dire là, on a l'inondation, c'est telle zone, ce sont telles zones qui sont inondées, il nous faut tant de personnes. Je ne sais pas tellement comment ça fonctionne vraiment en gestion de crise, mais qui va vraiment pouvoir leur donner une information de base. Et puis, à partir de là, ils pourront gérer vraiment la crise. J'imagine que le but de votre projet, c'est de venir avec la création d'un outil qui serait possible d'utiliser partout sur la planète. Idéalement. Mais j'imagine qu'il y a des complications, parce qu'un scénario d'inondation au Québec ne serait pas du tout le même qu'en Arizona, par exemple, au niveau d'un terrain rocailleux ou moins de végétation. J'imagine qu'il y a des problématiques à ce niveau-là. La problématique principale, parce que par exemple, moi, ma zone d'étude, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. C'est plat. Il y a les montérégiennes à côté, mais c'est pas vraiment de la montagne, pas du tout même. Par contre, quand on est en montagne, on a des effets qui vont se produire sur l'image et qui vont comme un peu cacher à cause, bah, ne serait-ce que l'ombre de la montagne en fait, qui vont un petit peu cacher la certaines surfaces au sol et qui vont aussi produire certaines zones en fait. L'ombre va avoir la même rétrodiffusion ou le même aspect sur l'image que certaines zones inondées ou que la rivière. Okay. Donc ça, c'est un autre défi. Essayer de développer une méthode qui puisse être applicable un petit peu partout. Assez robuste pour être universel dans ce sens-là. C'est ça. Donc vous utilisez la région de Richelieu comme une zone test parce qu'elle est plus simple à étudier. C'est pas qu'elle est plus simple, mais c'est juste que les données étaient disponibles. Et en plus, ce sont d'un point de vue de télédétection, ce sont vraiment des données très intéressantes et qui permettent en plus de tester de nouvelles choses. Après, c'est sûr que c'est une zone qui a des caractéristiques vraiment spécifiques. Et donc, si on peut tester la méthode développée sur d'autres zones inondées, ce serait vraiment très intéressant, c'est sûr. OK. C'est fantastique tout ça. Je vous souhaite vraiment bonne chance au niveau de vos études. Merci. Donc, merci beaucoup, Marion. Je vous rappelle que Marion est étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. On va faire maintenant une petite pause publicitaire au CKRL 89.1 et on revient avec Christiane Dupont qui va nous parler de la chasse aux aurores boréales. À tout de suite.